7, 8, observation, numération, 70 à 100. 70, 71, 72, 73, 74, 75, 76, 77, 78, 79, 80, 81, 82, 83, 84, 85, 86, 87, 88, 89, 90, 91, 92, 93, 94, 95, 96, 97, 98, 99, 100. Remarquez qu'on dit 21, 31, 41, 51, 61, 71, mais 81, 91. Eh oui, c'est comme ça. Remarquez qu'on écrit 22, 33, 56, etc. avec des traits d'union. Mais on écrit 21, 31, etc. sans traits d'union. Enfin, autre particularité orthographique amusante, on écrit 80, 200, 700, avec un S, quand le multiple n'est pas suivi d'un autre chiffre. Mais, on écrit 84, 208, sans S, quand le multiple est suivi d'un autre chiffre.